La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cesset. Introduction à la Cité de Dieu. Comment l'idée d'une alliance entre la philosophie platonicienne et le christianisme s'est formée dans l'esprit de Saint-Augustin? Personne n'ignore que Saint-Augustin, avant d'embrasser le christianisme, avait été manichéen, et on sait aussi que la lecture des philosophes platoniciens contribua fortement à l'arracher aux illusions et aux erreurs de sa jeunesse pour le placer dans une voie meilleure. Mais à quel moment précis et dans quelle mesure s'exerça cette influence du platonisme sur le cours de ses pensées et sur le grand événement de sa vie, je veux dire sa conversion définitive à la religion chrétienne? Puis, quels furent, parmi les monuments très nombreux et très divers des deux platonismes, l'ancien et le nouveau, ceux que saint Augustin eut sous les yeux, et en général, jusqu'où s'étendit, à l'origine et plus tard, sa connaissance des livres platoniciens? Voilà des questions que nous voudrions résoudre, en donnant à nos recherches, s'il était possible, un caractère particulier d'exactitude et de précision. Le livre, de la Cité de Dieu, complété au besoin par les autres écrits de saint Augustin, et avant tout par les confessions, va nous fournir sur ces problèmes délicats les plus vives lumières. Augustin avait 19 ans, quand, pour la première fois, la philosophie toucha son cœur. Il était à Carthage, dévoré de passion, donnant une moitié de sa vie à l'ardeur des sens, et l'autre à l'étude des lettres dont le goût s'unissait en lui à un violent amour de la gloire. Il ne voyait alors dans l'éloquence qu'un moyen de paraître, l'art de séduire l'imagination et de charmer l'oreille par un brillant étalage de mots harmonieux. Un livre de philosophie tomba sous sa main, c'était l'Hortensius de Cicéron. Il le lut, et sentit une révolution s'opérer en lui. Ce livre, nous dit-il, Confession, livre 3, chapitre 4, qui est une exhortation à la philosophie, me changea le cœur. Il m'inspira d'autres vœux et d'autres désirs, et fit que je commençais de vous adresser, ô mon Dieu, des prières toutes nouvelles. Je me trouvai tout d'un coup plein de mépris pour les vaines espérances du siècle, et embrasé d'un amour incroyable pour la beauté incorruptible de la sagesse. Enfin je commençai à me lever pour retourner à vous, Luc 15, 18, car ce n'était plus à aiguiser ma langue que j'appliquais les libéralités maternelles. Le fond des choses l'avait emporté sur la forme, et j'étais si occupé de ce qu'il faut penser que je ne regardais plus à ce qu'il faut dire. Quelle ardeur ne sentais-je point, ô mon Dieu, de me dégager de toutes les choses de la terre et de prendre mon vol vers vous. Voilà ce qui se passait en moi, voilà ce que vous y faisiez à mon insu, car c'est en vous que réside la véritable sagesse. Et qu'est-ce que cette philosophie où je me sentais porté par l'étude de ce livre, sinon l'amour de la sagesse? Si l'impression produite par l'Hortensius fut vive et profonde, elle ne pouvait être décisive. Comment ce livre eut-il servi de guide à Augustin? Nous savons par lui-même, car l'Hortensius est perdu, que Cicéron y déroulait à son ordinaire tous les systèmes des philosophes, mais sans en adopter aucun. L'effet qu'il produisit était donc le seul qu'il put produire. Il donna à Augustin le sentiment et le goût des hauts problèmes, mais le jeune et ardent rhéteur était encore si loin d'une philosophie épurée que le premier usage qu'il fit de sa réflexion naissante, ce fut de se laisser séduire aux doctrines des manichéens. Parmi les problèmes qui assiègent l'esprit de l'homme, il en est un qui avait attiré de préférence l'attention d'Augustin, ou, pour mieux dire, ce problème, suscité par les agitations de sa vie, tourmentait à la fois sa raison et son cœur. C'est le problème de l'origine du mal. Augustin croyait voir partout le désordre dans l'univers, parce qu'il le sentait au-dedans de lui-même, dans le combat furieux des passions, dans cette soif des voluptés, toujours insatiable et toujours trompée. Il ne pouvait comprendre que le mal vint de Dieu, et il ne voyait pas que le seul mal effectif est l'ouvrage de l'homme. Deux choses lui manquaient pour donner un sens au tableau de l'univers et au drame de la vie, c'était la pensée de la providence et la conscience de la responsabilité humaine. En un mot, Augustin n'avait pas le sentiment des choses morales, spirituelles, invisibles. Le manichéisme se présenta à lui avec son hypothèse spécieuse de deux principes, l'un qui explique le bien, l'autre qui semble expliquer le mal. Les élateurs de cette antique tradition de la mythologie persane l'avaient rajeuni en l'associant à une sorte de christianisme, et ils affectaient même une excessive sévérité de mœurs. C'étaient des hommes séduisants et qui savaient les secrets du beau langage. Faust surtout, un de leurs docteurs les plus vantés, avait une facilité et un charme de parole extraordinaire. Confession, livre 6, chapitre 5. Il citait les plus beaux endroits de Cicéron et de Sénèque, et, couvrant une science douteuse de la brillante parure de l'éloquence, il semblait ôter aux problèmes leurs épines et leurs obscurités à force d'aisance, de grâce, de douceur et d'insinuation. Homme de bonne foi, d'ailleurs, et pris lui-même, tout le premier, au piège de sa propre légèreté. Augustin se laissa séduire à cette aimable faconde, suave eloquentia, et, pendant 9 ans, il traîna partout sa chaîne, de Carthage à Rome et de Rome à Milan, sans pouvoir la rompre, bien qu'il en sentît douloureusement le poids. Confession, livre 7, chapitre 2 et 3. Il aimait à confier ses doutes et ses perplexités aux amis qui l'environnaient, à ce cher Nébride, en particulier, si aimant et si dévoué, qui avait tout quitté, patrie, famille, fortune, pour la douceur de vivre avec Augustin. Les deux amis tournaient et retournaient en tous sens l'idée manichéenne des deux principes, et voici l'objection qui leur paraissait décisive. Il y a, disait-il aux manichéens, il y a un bon principe. Or, admettre que ce principe soit sujet à se corrompre, à devenir mauvais, c'est une contradiction palpable. Mais alors, si le bon principe est incorruptible, pourquoi entre-t-il en lutte avec le principe du mal? Pourquoi souffre-t-il que le mal s'empare de cette émanation ou portion de lui-même qui constitue l'âme humaine et qui a besoin, dites-vous, pour être purifié d'une intervention nouvelle du bon principe? Voilà le raisonnement victorieux qui arrêta Augustin et l'empêcha de s'engager jamais fort avant dans les mystères et dans la hiérarchie de la secte. À ses heures de dégoût pour le manichéisme, il se sentait attiré par le doute des académiciens et cherchait un asile dans le scepticisme. Confession, livre 5, chapitre 9 et 14, livre 6, chapitre 11. Voir le traité de saint Augustin contre les académiciens. Il s'écriait, oh, que les académiciens étaient de grands hommes, et qu'ils avaient raison de dire que l'homme ne saurait rien connaître de certain. Ce n'était pas là une de ces pensées qui ne font que traverser un instant l'esprit. Augustin nous dit qu'arrivé à 30 ans, et se sentant également incapable de rester attaché à la doctrine manichéenne et de vaincre les préventions que lui inspirait le christianisme, il crut que le dernier mot de la sagesse humaine, c'était le doute. À mesure, dit-il, que je considérais ce que beaucoup de philosophes ont pensé du monde visible, et que je le comparais avec ce que les manichéens en ont dit, je trouvais moins de probabilité dans les opinions de ceux-ci que dans celles des autres. Mais cela ne fit que me mettre dans la situation où l'on croit communément qu'étaient les académiciens. Je commençais à douter de tout sans pouvoir me déterminer à rien. Confession, livre 5, chapitre 14. On sait en effet que le probabilisme de la nouvelle académie, de cette école des arts Sésilas des Carnéades, qui usurpait le nom de l'école de Platon, ce probabilisme subtil et ingénieux aboutissait rapidement au scepticisme absolu. Mais le doute ne pouvait arrêter longtemps une âme comme celle d'Augustin, moins avide encore de lumière que de foi. Une autre pensée vint tenter son esprit. Il sentait le faible d'une doctrine qui admet deux principes, l'un inférieur et pourtant premier, l'autre supérieur et pourtant forcé à la lutte. Du dualisme, répudié par l'instinct de sa raison, Augustin se jeta à l'extrémité opposée. Il fut quelque temps panthéiste. Écoutons son propre témoignage. Au sortir de cette erreur, le manichéisme, je m'étais jeté dans une autre, et je m'étais fait un dieu de je ne sais quelle substance étendue à l'infini dans tous les lieux et dans tous les espaces imaginables. J'avais pris ce vin fantôme pour vous, ô mon Dieu, et je l'avais mis dans mon cœur, qui, devenu le temple de cette nouvelle idole, n'était devant vos yeux qu'un objet d'abomination. Confession, livre 7, chapitre 14. L'idée panthéiste obséda fortement l'esprit d'Augustin. Il y revient à plusieurs reprises, et, pour peindre la forme que lui donnait son imagination, il se sert d'une comparaison bizarre, mais expressive. Pour vous, Seigneur, je vous concevais comme une substance infinie, qui, enveloppant et pénétrant la masse bornée de l'univers, s'étendait encore au-delà de toutes parts, comme qui se représenterait une mer infinie, et au milieu de cette mer une éponge d'une prodigieuse grosseur, mais pourtant finie, que cette mer pénétrerait et embrasserait tout entière. C'est ainsi que je concevais la masse finie de vos créatures pleines de votre substance infinie. Confession, livre 7, chapitre 5. Voir les passages de la cité de Dieu dirigés contre le panthéisme, livre 4, chapitre 12, livre 6, chapitre 8, livre 7, chapitre 6, 9, 23, 29, 30. Il y avait là sans doute un sentiment juste, bien que très confus, de la distinction de Dieu et du monde, un effort remarquable pour sortir du dualisme en rétrécissant la sphère du mal et en la subordonnant au premier principe. Mais cette pensée d'un Dieu répandu dans l'espace à la manière d'un fluide est à coup sûr une pensée très grossière, et de toutes les espèces du panthéisme, c'est la plus éloignée de la vérité. Voilà donc l'esprit d'Augustin ballotté du manichéisme au scepticisme, et du scepticisme à une sorte de panthéisme. Parmi ces agitations et ces pensées contraires subsiste une erreur unique et fondamentale. Augustin n'a pas encore le sentiment des choses spirituelles. Son âme appesantie sous le poids de la chair, assiégée par les fantômes d'une imagination africaine, est incapable de comprendre ce qui ne touche pas les sens. L'invisible est l'idéal, c'est-à-dire l'esprit, la liberté, la justice, l'âme immortelle et Dieu même, tout cela est couvert à ses yeux d'un voile épais. Écoutons-le s'accuser d'avoir persisté jusqu'à 31 ans dans cet esclavage de la chair et des sens. J'étais déjà hors de cette première jeunesse que j'avais souillée de tant de crimes et d'abominations, et j'entrais dans un âge plus mûr, mais où il m'était encore plus honteux de demeurer rempli de mes vaines imaginations, car je ne pouvais encore concevoir de substance d'un autre genre que celle qui frappe les yeux. J'étais pourtant fort éloigné de croire, mon Dieu, que vous eussiez un corps semblable au corps humain. Mais bien que ce ne fût point sous la forme d'un corps humain que m'apparut votre nature, que je supposais inaltérable, immuable et incorruptible, et que je mettais par cette raison au-dessus de tout ce qui est capable d'altération, de corruption et de changement, je ne pouvais la concevoir que comme quelque chose de corporel qui remplissait l'espace, et qui, pénétrant toutes les parties de l'univers, s'étendait encore infiniment au-delà. Car tous ceux qui n'avaient pas cette sorte de grandeur et d'étendue qu'ont les choses qui remplissent quelque espace me paraissaient un pur néant. Ceux qui entretenaient en moi cette fausse imagination, c'est que mon œil intérieur était tellement débile et mes idées tellement asservies aux impressions des choses sensibles, que je ne voyais rien au-delà et que je ne me voyais pas moi-même. Confession, livre 7, chapitre 1er. Tel était, à 31 ans, l'état de l'esprit d'Augustin. Or, ce qu'il importe essentiellement de remarquer, c'est que, loin d'être resté jusque-là étranger aux livres et aux doctrines du christianisme, Augustin, tout au contraire, en avait eu l'esprit constamment occupé, y revenant sans cesse et les repoussant toujours. Sans parler des instances perpétuelles et des larmes de sa mère, nous savons qu'au sortir de cette révolution morale que fit en lui l'Hortensius, il se jeta avec ardeur sur les saintes écritures, confession, livre 3, chapitre 5. Il les lut et les dédaigna. Ajoutez que, depuis cette époque, il ne discontinua pas d'être en commerce avec les idées chrétiennes, mais, il faut le dire nettement, ce ne fut pas de ce côté que vint la lumière, et cette religion sublime, qui plus tard fixa les pensées et les sentiments du grand docteur, ne put triompher alors de son matérialisme. L'honneur d'avoir délivré Augustin de toutes ces mauvaises doctrines qui se disputaient sa raison, dualisme, scepticisme, panthéisme, de lui avoir inspiré le sentiment de l'invisible et le goût de l'idéal, de l'avoir arraché aux choses de la chair pour le rendre à lui-même et faire briller aux yeux de son âme affranchie et purifier la lumière intérieure de la vérité, l'honneur de cette révolution mémorable appartient à la philosophie de Platon. Je ne veux invoquer ici d'autres preuves que le témoignage de saint Augustin. Il nous raconte qu'un ami de la philosophie lui mit entre les mains quelques ouvrages des platoniciens, confession, livre 7, chapitre 9, traduit du grec en latin par un rhéteur, alors célèbre, nommé Victorinus, confession, livre 8, chapitre 2, je l'ai lu, dit-il, et j'y trouvai toutes ces grandes vérités, que dès le commencement était le Verbe, que le Verbe était en Dieu et que le Verbe était Dieu, que le Verbe était en Dieu dès le commencement, que toutes choses ont été faites par lui et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, qu'en lui est la vie, que cette vie est la lumière des hommes, mais que les ténèbres ne l'ont point comprise, qu'encore que l'âme de l'homme rend témoignage à la lumière, ce n'est point elle qui est la lumière, mais le Verbe de Dieu, que ce Verbe de Dieu, Dieu lui-même, est la véritable lumière qui éclaire tous les hommes venant en ce monde, qu'il était dans le monde, que le monde a été fait par lui et que le monde ne l'a point connu. Ici on serait tenté d'interrompre saint Augustin et de lui dire qu'il se méprend, et qu'au lieu de citer un dialogue de Platon ou une Énéade de Plotin, il cite l'évangile de saint Jean. Mais il n'y a point de méprise, et saint Augustin a soin de nous en avertir. Quoique cette doctrine, dit-il, ne soit pas en propre terme dans ces livres-là, elle y est dans le même sens et appuyée de plusieurs sortes de preuves. Confession, livre 2, chapitre 9. Ainsi, c'est la doctrine platonicienne du Logos divin, c'est la théorie des idées qui a dessillé les yeux d'Augustin. C'est elle qui lui a fait comprendre que le véritable être n'est pas dans ces fantômes brillants et légers qui frappent les sens, que pour saisir la vérité, on doit se recueillir en soi, et là, dans le silence de l'imagination, écouter la raison invisible qui nous fait entendre son divin langage. Ce que j'avais lu dans ces livres, nous dit-il, me fit reconnaître que, pour trouver ce que je cherchais, il fallait rentrer dans moi-même, et m'en trouvant capable, ô mon Dieu, par le secours qu'il vous plut de me donner, je rentrai, en effet, jusque dans le plus intime de mon âme. Ce fut là que, si faible que fût mon œil intérieur, Je découvris la lumière éternelle et immuable, cette lumière qui ne ressemble en aucune façon à la lumière corporelle dont nos yeux sont éclairés, quand on se la figurerait mille fois plus brillante et qu'on lui donnerait toute l'étendue qu'il est possible d'imaginer. C'est une lumière d'un tout autre genre, et je l'aperçus comme quelque chose d'infiniment élevé, même au-dessus de cet œil intérieur par où je la percevais, et de tout ce qu'il y a de plus sublime dans mon intelligence. Elle me parut au-dessus de tout cela, non comme l'huile est au-dessus de l'eau, ou comme le ciel est au-dessus de la terre. Confession, livre 7, chapitre 10. Voir cité de Dieu, livre 8, chapitre 7, livre 10, chapitre 2. Initié par Platon au sentiment de son être spirituel et à la conception de la réalité véritable, Augustin voit s'évanouir toutes les chimères du manichéisme et du panthéisme et tous les doutes qui l'avaient tourmenté. Dieu n'est plus pour lui je ne sais quel fluide, une sorte d'éther lumineux répandu dans l'espace, condamné à lutter contre un principe de ténèbres, et parvenant tout au plus à le resserrer dans l'enceinte d'un univers fini. Dieu est le principe spirituel, invisible, idéal de toute vérité, de toute justice, de toute beauté. Il est l'être des êtres, pénétrant et dépassant l'univers, non par une grandeur et une extension matérielle, mais comme cause interne, comme source éternelle de l'existence et de la vie. Or, cet être unique et universel étant essentiellement bon, étant le bien même, il ne peut y avoir de principe absolu du mal. Tout ce qui est tient de Dieu son essence, et par conséquent est bon. Le mal, dans les créatures dépourvues de raison et de volonté, ne peut être qu'une infériorité de nature, une imperfection toute négative, et même dans les créatures libres, le mal, quoique plus réel, n'est encore qu'une défaillance de leur volonté s'écartant du bien véritable pour se laisser séduire à des biens inférieurs. Voilà donc le spectacle de la création qui se transforme au flambeau de l'idéalisme. Le désordre s'enfuit. Tout a sa place et son rang dans la variété harmonieuse de l'immense univers. Le mal ne vient pas de Dieu, mais de l'homme, et ce mal lui-même est racheté par un bien plus grand, la dignité de l'être moral, qui n'atteint que par l'épreuve et le repentir à toute la perfection de sa nature. La raison d'Augustin se fixe et s'affermit. Trouvera-t-il le repos dans sa noble doctrine du platonisme ? Non, son âme est apaisée, elle n'est pas assouvie. La philosophie ne lui suffit pas. La religion seule peut porter en lui une paix sans orage et une parfaite sérénité. D'où vient donc cette insuffisance de la philosophie spiritualiste ? Augustin va nous le dire. La philosophie éclaire la raison, mais elle n'agit qu'imparfaitement sur la volonté. Elle nous enseigne des vérités spéculatives, mais elle ne nous donne pas la force de les transformer en vérités pratiques. Elle nous dévoile, d'un côté, une âme spirituelle, libre, ardemment éprise de vertu, de perfection, de bonheur. De l'autre, un Dieu qui est le Dieu véritable, puisqu'il est le principe de toute vérité, de toute sainteté, de toute félicité. Mais comment cette âme sublime et misérable atteindra-t-elle ce Dieu ? Voilà ce que la philosophie n'enseigne pas. Augustin fait ressortir avec une énergie et une profondeur de sentiment extraordinaire le vide que laisse au cœur de l'homme la meilleure philosophie, vide immense que la religion seule peut combler, et il nous livre sa pensée tout entière en ses fortes paroles. Platon m'a fait connaître le vrai Dieu. Jésus-Christ m'en a montré la voie. Cette voie, c'est Jésus-Christ lui-même, l'homme-Dieu, qui unit et réconcilie les deux natures que la chute volontaire de l'homme avait séparées. Voilà l'idée qui a conquis Augustin au christianisme. Platon lui avait révélé le Logos, le Verbe divin, mais que ce Verbe se soit fait chair et qu'il ait habité parmi nous, C'est ce que le christianisme seul a pu lui apprendre. Je cherchais, nous dit-il, par où je pourrais acquérir cette vigueur intérieure qui rend capable de jouir de vous. C'est à quoi je ne pouvais parvenir qu'en m'attachant à Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, 5, et Dieu lui-même, élevé au-dessus de toutes choses et béni dans tous les siècles des siècles, Romains 9, 5, à ce divin maître qui nous appelle à lui et qui nous dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », Jean 14, 6, et qui étant l'aliment de mon âme, mais un aliment trop pur et trop divin pour moi, s'est couvert d'une chair comme la mienne pour s'accommoder à ma faiblesse. Car votre sagesse éternelle, par laquelle vous avez créé toutes choses, ne s'est fait chair que pour se donner à nous, comme un lait proportionné à l'état d'enfance où nous sommes. Mais je n'avais point encore cette humilité de cœur qui seule peut nous unir à l'humble condition de Jésus-Christ, et je ne savais pas même ce qu'il y a de force dans l'infirmité où il s'est réduit. Je ne savais pas que si votre vérité éternelle, c'est-à-dire votre Verbe, infiniment élevé au-dessus de ce qu'il y a de plus élevé entre vos créatures, et qui élève jusqu'à lui celle dont le cœur lui est soumis, a bien voulu s'abaisser jusqu'à se faire une maison de la même boue dont elles sont formées, Corinthiens 5, 1, c'est pour les détacher d'elles-mêmes et se les incorporer. C'est pour les guérir de l'enflure de l'orgueil et les remplir de son amour. C'est pour les empêcher de s'appuyer sur elles-mêmes et d'y chercher leur bonheur, dans l'oubli du bonheur véritable. C'est pour faire, au contraire, que, voyant à leurs pieds un Dieu devenu infirme sous le poids de notre chair, elles prennent conscience de leur propre infirmité, et que, dans l'épuisement et la lassitude du péché, elles viennent se reposer sur le sein de ce Dieu humilié, qui bientôt, s'élevant dans sa gloire, veut les y emporter avec lui. Confession, livre 7, chapitre 18. En lisant cette page si forte et si éloquente, plus d'un lecteur délicat y blâmera peut-être l'abondance des antithèses, mais, avec saint Augustin, il faut s'habituer, bon gré mal gré, à cette forme de style, qui est la sienne. C'est le prix où il faut acheter sa pensée, c'est la rançon qu'il faut payer des jouissances exquises qu'on goûte avec lui. Il y a un chapitre bien curieux de la Cité de Dieu, livre 11, chapitre 18, où saint Augustin explique avec une candeur extrême et le plus naïf enthousiasme, comment l'antithèse est devenue le procédé constitutif de son style. C'est, dit-il, une des plus brillantes parures du discours que l'antithèse, et si ce mot n'est pas encore passé dans la langue latine, la figure elle-même, je veux dire l'opposition ou le contraste n'en fait pas moins l'ornement de cette langue, ou plutôt de toutes les langues du monde. Lisez la Bible. L'antithèse est un procédé familier à saint Paul. Mais quoi, n'est-ce pas le procédé de Dieu lui-même? Partout, dans l'univers, Dieu oppose les contraires, le bien au mal, la mort à la vie. Qu'est-ce que l'univers? Un grand poème orné d'antithèses. Mais ici, dit saint Augustin, faisant encore une antithèse ingénieuse, l'éloquence n'est plus dans les mots, elle est dans les choses. Si l'antithèse est partout, dans l'univers physique, dans le monde moral, dans saint Paul, dans la Bible, et même dans les conseils et les actions de Dieu, le moyen, je vous prie, de trouver mauvais, que saint Augustin ait un goût si vif pour les antithèses. Il est impossible de proclamer plus haut l'insuffisance de la philosophie et d'expliquer par des raisons plus profondes la nécessité de la religion. Et cependant, c'est la philosophie qui a donné à Augustin la clé de la religion elle-même. Avant d'avoir connu Platon, il avait lu les Écritures, et il ne les avait pas comprises. Platon seul a pu le faire entrer dans la pensée de saint Jean. Il nous déclare expressément que jusqu'alors les Écritures n'avaient eu pour son esprit aucun attrait, et que tout en croyant d'instinct à Jésus-Christ, il ne voyait en lui qu'un homme. Confession, livre 7, chapitre 19. Je ne concevais Jésus-Christ notre Sauveur que comme un homme d'une sagesse admirable et incomparablement plus grande que celle de tous les autres hommes. Mais je n'avais pas la moindre connaissance du mystère enfermé dans ses paroles, le Verbe s'est fait chair. Jean 1, 14. Il n'a donc compris le Verbe incarné, c'est-à-dire le christianisme, qu'après que Platon lui a fait comprendre qu'il y a un Verbe, une raison éternelle, et que ce Verbe est Dieu. Telle est la suite exacte des phases successives qu'a traversé l'esprit d'Augustin. La lecture de l'exhortation à la philosophie de Cicéron marque l'époque de son initiation à la vie intellectuelle. À 19 ans, il est manichéen. Nous le voyons, à 30, dégoûté du dualisme et ballotté entre le scepticisme et le panthéisme. À 31 ans, Platon s'empare de lui et le fixe dans les voies spirituelles. Un an après, il embrasse le christianisme en restant platonicien et reçoit le baptême des mains de saint Ambroise. C'est ainsi qu'au moment décisif de la vie d'Augustin, l'union de la philosophie platonicienne et du christianisme s'est accomplie dans son esprit. Tour à tour matérialiste, platonicien et chrétien, l'histoire des pensées d'Augustin exprime l'évolution naturelle d'une âme élevée. La vraie philosophie l'a arraché au sensualisme et l'a mis sur la voie de la religion. La religion s'est ajoutée en lui à la philosophie afin de rendre celle-ci pratique et féconde. Désormais il enseignera que, pour s'affranchir de l'erreur, il faut d'abord être philosophe, mais qu'il faut être à la fois philosophe et chrétien pour posséder toute la vérité. Nous croyons avoir marqué d'une manière précise l'influence qu'exerça sur saint Augustin la première connaissance qu'il eut des doctrines platoniciennes, mais comment cette connaissance fut-elle acquise? Quels sont ces livres platoniciens qui furent placés sous ses yeux par une main amie? Et, pour généraliser la question, jusqu'où saint Augustin a-t-il poussé dans le cours de sa carrière l'étude des monuments du platonisme? Ce problème difficile demande à être décomposé en plusieurs autres. Saint Augustin savait-il le grec? A-t-il lu les dialogues de Platon dans le texte? S'il n'a pu aborder l'original, par quels moyens et jusqu'à quel point a-t-il connu les dialogues? Quels sont, parmi les philosophes néoplatoniciens, ceux dont il a connu les écrits? Que savait-il de Plotin, de Porphyre, de Jamblic? Un premier point à établir, c'est que saint Augustin savait très imparfaitement le grec. Il s'accuse dans les Confessions, livre 1, chapitre 13, avec sa candeur ordinaire, d'avoir éprouvé de bonne heure, pour la langue de Démosthène, une répugnance invincible, et nous avoue tout net qu'il n'en entendait pas un mot. Nulla enim verba illa noveram. Confession, livre 1. Chapitre 14. Son dégoût allait à ce point que les fictions d'Homère lui paraissaient sans attrait, à lui si épris des touchantes fictions de Virgile et qui donnaient à la mort de Didon ses larmes plus tard regrettées par un christianisme jaloux. Toujours sévère pour la nature humaine, mais plus sévère pour lui-même que pour tout autre, saint Augustin attribue son peu de goût pour le grec à ce fond de corruption, fatal héritage des enfants d'Adam, mais on en peut donner une explication plus douce et plus naturelle. Athagaste et Amadoro, où saint Augustin commença ses études, avant de les compléter à Carthage, rien ne disposait un jeune homme à comprendre la langue des Grecs et à goûter leur littérature. Carthage était alors, ainsi qu'on l'a remarqué, une ville toute romaine, n'ayant été rebâti que sous Auguste, l'an 29 avant Jésus-Christ. Les prédilections de saint Augustin furent donc pour les lettres latines, qu'il étudia avec passion. On en trouve, en effet, dans ses écrits une connaissance étendue dont il étale volontiers les trésors, Même parmi ces austères problèmes de la théologie, où le ressouvenir de Terence et de Virgile semble obséder son imagination en dépit de sa foi. J'en citerai un exemple particulièrement curieux. Au chapitre 26 du livre 14 de la Cité de Dieu, saint Augustin, parlant de ce qu'auraient été les chastes embrassements de nos premiers parents dans le paradis, s'ils eussent persévéré dans l'innocence, ne peut s'empêcher d'emprunter à Virgile les traits de sa peinture, charmante, il est vrai, mais bien profane, de la couche conjugale de Vénus. Quand il se fit chrétien, on pourrait croire que le désir et le besoin de lire les Écritures en grec et de s'initier à la théologie des Athanases et des Origènes lui fit essayer de nouvelles luttes contre son dégoût. Il n'en est rien. Nous le voyons presser saint Jérôme, avec une insistance qui n'est pas désintéressée, de traduire en latin les interprètes grecs de l'Écriture, et particulièrement Origène. Nous savons qu'il ne lut l'histoire ecclésiastique de Zeb qu'après que Rufin l'eut mise en latin. Mais voici un témoignage décisif. Saint Augustin, dans son traité de la Trinité, reconnaît expressément qu'il est incapable de lire et de comprendre les écrits publiés en grec sur ces hautes matières. Il n'y aurait aucune témérité à conclure de là que saint Augustin n'a lu dans l'original ni les dialogues de Platon, ni les Énéades, ni aucun monument platonicien, mais les preuves directes abondent. Quand saint Augustin nous raconte comment il prit connaissance pour la première fois des livres platoniciens, il nous dit qu'il les lut dans des traductions latines faites par Victorinus, rhéteur célèbre au temps de l'empereur Julien. Confession, livre 8, chapitre 2. Or, nous avons de bonnes raisons de croire que, dans la suite de ses études philosophiques, saint Augustin continua de se servir, pour connaître les doctrines de Platon, d'intermédiaire latin. Certes, s'il est un dialogue de Platon que saint Augustin ait goûté et approfondi, c'est le Timée. Eh bien, dans la Cité de Dieu, il cite un passage capital du Timée, le sublime et célèbre discours que Dieu adresse aux dieux inférieurs, pour les convier à prendre part à l'œuvre de la création. Il le cite, non dans l'original, mais dans la version de Cicéron. Cité de Dieu, livre 13, chapitre 16. En d'autres endroits de sa cité, saint Augustin discutant cette opinion soutenue par un des interlocuteurs du banquet, que nul dieu ne communique avec l'homme, loin de citer le dialogue de Platon et le texte, invoque le témoignage d'Apulée et lui emprunte ses expressions. Cité de Dieu, livre 8, chapitre 18, livre 9, chapitre 16. Est-ce à dire que saint Augustin n'ait pas fait une sérieuse étude de Platon et n'ait pas entendu sa doctrine? Non, sans doute, et nous estimons, au contraire, qu'il l'a entendu d'une manière supérieure. Mais il n'en est pas moins vrai que la faible connaissance qu'il avait du grec l'a privé, du plaisir exquis et délicat, qu'un esprit tel que le sien n'eût pas manqué de trouver dans le commerce de Platon et qu'il a été obligé de s'en rapporter à des intermédiaires, tantôt Victorinus, tantôt Cicéron, tantôt Apulée, tantôt enfin les amis qui l'entouraient, à Milan, à Cassiciacum et à Hippone. Par une suite inévitable, et faute même de traduction, il n'a pu faire une étude régulière et complète des dialogues. On ne voit pas qu'il ait eu connaissance de toute une partie très considérable de l'œuvre de Platon, je veux parler des dialogues essentiellement consacrés à la méthode dialectique, tels que le Sophiste et le Parménide. Il paraît avoir connu le Phédon, livre 8, chapitre 8, livre 10, chapitre 29, 30. Le Phèdre, livre 8, chapitre 14, 21, livre 10, chapitre 30. La République, livre 8, chapitre 15, livre 9, chapitre 23, livre 10, chapitre 30, 31, livre 11, chapitre 6, 10, 21, 22, livre 12, chapitre 13, 18, 24, 26. On cite les plus importants. La lettre à Anne Hébon, ouvrage que nous avons conservé. Le livre de l'abstinence, le traité du retour de l'âme vers Dieu et le fameux écrit contre les chrétiens, que la prudence ou la rancune de l'Église ont anéanti. Cité de Dieu, livre 10, chapitre 9, 11, 23, 24, livre 12, chapitre 26, livre 13, chapitre 16, 17, 18, livre 22, chapitre 4 à 5. Notre conclusion est que saint Augustin, sachant très peu le grec, n'a eu qu'une connaissance partielle et presque toujours indirecte, soit des monuments de l'antique platonisme, soit de ceux du platonisme nouveau. Le Timée de Platon et les écrits de Porphyre, voilà ce qu'il a le mieux connu. Cette imperfection de ses connaissances est-elle regrettable? Il paraît naturel de le penser, et toutefois, de sérieux motifs nous ont conduits à penser le contraire. Or, comme cette opinion a un air de paradoxe, c'est pour nous un devoir plus étroit de la motiver. Oui, certes, Platon, grand artiste non moins que grand philosophe, a su imprimer à sa doctrine, si vaste et si riche qu'elle soit, un profond caractère d'harmonie et d'unité. Mais cette unité ne se révèle pas à tous les yeux, et d'ailleurs, il y a dans les dialogues deux choses fort distinctes. D'une part, la méthode dialectique, qui n'est qu'un admirable instrument dont on peut se servir bien ou mal. Puis, un vaste système sur Dieu, l'homme et l'univers. Par son système, Platon est pour ainsi dire tout chrétien, et c'est ce que saint Augustin a très bien vu. Mais il y a dans le développement de la méthode dialectique des pans dangereux sur lesquels on ne se défend de glisser que lorsqu'on possède, avec l'inspiration philosophique, une rectitude, une mesure, une sobriété, un sentiment délicat et profond des choses morales, qui sont les dons les plus excellents et les plus rares du génie. Voilà pourquoi l'école d'Alexandrie, qui se déclare fille de Platon, qui n'aspire, dit-elle, qu'à comprendre et à développer sa pensée, le plus souvent l'altère et la corrompt. Elle emprunte au maître la méthode dialectique, mais, l'appliquant sans mesure, elle en tire un système tout opposé à celui de Platon, un système panthéiste et mystique. Un système panthéiste et mystique. Cette déviation s'explique d'une manière assez naturelle. La dialectique platonicienne consiste en effet essentiellement à poursuivre en toute chose ce qu'elle contient de persistant et de simple, l'élément essentiel, l'idée, comme dit Platon. Il est des intelligences, il est des amas qui rien de fini et d'imparfait ne peut suffire. Tous ces êtres que l'univers offre à nos sens, qui captivent tour à tour nos mobiles désirs, qui enchantent notre imagination de leur variété et de leur éclat, trahissent par un trait commun leur irrémédiable fragilité. Ils ont des limites. Ils passent et s'écoulent. Comment pourrait-il satisfaire une âme qui se sent faite pour sentir, pour goûter, pour posséder la plénitude du bien? Celui donc qui, pressé d'une secrète inquiétude, se détourne de la scène changeante de l'univers, et rentre en soi-même pour trouver dans son âme une existence plus solide et plus durable, qui désormais considérant toute chose de l'œil de la raison, s'attache à des objets de plus en plus simples, de plus en plus stables, et monte, sans relâche et sans faiblesse, les degrés de cette échelle de perfection. Incapable de s'arrêter et de trouver le repos, si ce n'est au sein d'une perfection absolue, d'une beauté sans souillure et sans tache, en un mot, de cette existence infinie qu'aucune limite ne borne, qu'aucune durée ne mesure, qu'aucun espace ne circonscrit, celui-là, suivant Platon, est le vrai dialecticien. et qu'on ne s'imagine pas que la dialectique n'est qu'un élan passager de la pensée, c'est une méthode scientifique, susceptible d'une application rigoureuse et sévère, c'est, au fond, la méthode de tous les grands métaphysiciens. Mais tantôt elle est appliquée par un Platon, un Descartes, un Leibniz, tantôt par un Plotin, un Spinoza, un Hegel, de sorte qu'elle porte également dans ses flancs, selon qu'on en fait ou non un légitime usage, le spiritualisme le plus pur ou les illusions du panthéisme et du mysticisme. On conçoit, en effet, qu'une âme pénétrée d'un profond sentiment de la vanité des choses finies, est uniquement éprise de ce principe absolu et parfait auquel la dialectique aspire, on conçoit qu'à mesure qu'elle monte vers lui, elle s'imagine quitter le pur néant pour atteindre le seul être véritable, et qu'elle en vienne à dépouiller les objets qu'elle abandonne de toute la perfection, de toute la réalité qu'elle y peut saisir, pour la transporter tout entière à celui qui possède en propre l'être et la perfection, et qui contient tout en soi dans la plénitude de son existence absolue. Or, quand on quitte ainsi du premier pas la réalité sensible, l'individualité, l'espace, le mouvement et le temps, quand cet univers n'est plus qu'une vapeur légère à travers laquelle l'âme contemple l'être parfait et absolu dans sa majesté éternelle, ne touche-t-on pas au panthéisme, à ce panthéisme idéaliste et mystique, le plus noble de tous, et partant le plus séduisant pour une âme élevée? C'est ainsi que ces nobles philosophes d'Alexandrie ont été entraînés à substituer au Dieu de Platon, à ce Dieu parfait en soi et qui se suffit à soi-même dans la possession de ses sublimes attributs, la pensée, l'amour, la félicité, à ce Dieu qui crée le monde, non par nécessité ou par caprice, mais par une inspiration de sa bonté sur un plan réglé par sa sagesse, à ce Dieu qui donne à l'âme humaine une étincelle de sa propre raison pour la guider à travers les épreuves de la vie, jusqu'au jour où il appellera à une possession plus complète de lui-même la créature responsable et libre, devenue digne d'une telle félicité. À ce Dieu, les Alexandrins ont substitué leur trinité fantastique, formée de trois hypothèses inégales, dont la troisième, cette âme universelle, d'où émane nécessairement l'univers, est elle-même une émanation nécessaire de la seconde, comme celle-ci l'est de la première, de sorte que tout ce système d'émanations nécessaires et éternelles est dominé par je ne sais quelle unité inintelligible, étrangère à la conscience, à l'activité, à l'amour, à la félicité, à tous les actes de la vie, perfection creuse vers laquelle aspire l'âme abusée et qu'elle ne peut atteindre que par la mutilation de ses meilleures facultés, abîme ténébreux où toute existence distincte, toute aspiration raisonnable, toute vertu active, tout espoir d'immortalité véritable viennent s'engloutir. Voilà entre Platon et Plotin, entre le bon et le mauvais platonisme, des différences capitales qui ont échappé à saint Augustin. Pourquoi cela? C'est qu'il ne connaissait que faiblement les Énéades. Aussi nous le voyons identifier la Trinité alexandrine avec la Théodicée de Platon et les rapprocher toutes deux de la doctrine chrétienne. Cité de Dieu, livre 11e, chapitre 10. Il assure que Plotin est, de tous les philosophes, celui qui a le mieux entendu Platon. Cité de Dieu, livre 9, chapitre 10. Partout, il identifie ouvertement l'ancien platonisme avec le nouveau. Dans sa première ferveur pour les néo-platoniciens, il allait jusqu'à dire que Plotin, c'était Platon même, revenu sur la terre, et cette admiration, que sa jeunesse avait si vivement ressentie, à ce moment de christianisme douteux encore où un de ses amis, nourri de ses pensées, osait rapprocher Platon et Plotin de Jésus-Christ, voyez les lettres, il ne la désavoue pas, même au déclin de sa vie et dans son plus considérable ouvrage. Cité de Dieu, livre 9, chapitre 17, Livre 10, chapitre 2, 14. Il y a là une méprise grave. Je n'en accuse pas la sagacité de saint Augustin, mais sa connaissance imparfaite des textes. En plusieurs endroits, il oppose, avec un rare à propos et une sagacité extrême, Platon à ses récents disciples. Livre 10, chapitre 30, livre 11, chapitre 6, livre 12. Il y a même un passage où il semble avoir entrevu que ce qui a égaré les platoniciens et Porphyre, c'est l'influence de l'Orient, ce souffle de mysticisme qui venait du côté de la Perse, de la Syrie et de la Chaldée. Livre 10, chapitre 23 et 24. Mais en somme, il ne croit qu'à des différences de détails et de surface et il ignore les différences profondes. Eh bien, je dis qu'il faut, non le regretter, mais s'en applaudir. Si saint Augustin eût mieux connu l'école d'Alexandrie, elle aurait pu le dégoûter du platonisme. Il a été bon qu'il n'eût de Platon lui-même qu'une connaissance partielle. Au lieu d'une méthode toujours délicate et hardie, quelquefois indécise ou téméraire, il a connu un système d'une admirable pureté. Comprendre par ses grandes lignes ce système, qui est le spiritualisme par excellence, et l'incorporer au dogme chrétien, voilà la tâche que la Providence réservait à saint Augustin. Ébauché par saint Justin, par saint Clément d'Alexandrie, manqué et compromise par les témérités d'Origène, ces tâches convenaient merveilleusement à saint Augustin, à la hauteur de sa raison, à la candeur de son âme, à l'étendue et à la rectitude supérieure de son génie. Voyez aussi avec quelle puissance il l'a accompli. Le christianisme et le platonisme une fois unis par ses mains, il a été impossible de les séparer. Même au Moyen Âge, quand Aristote est devenu l'oracle des théologiens, le philosophe, comme on disait, quand saint Thomas a entrepris d'imprimer à la théologie chrétienne le cachet du péripatétisme, le fond platonicien et augustinien a subsisté. L'esprit du platonisme, comme une flamme mal étouffée, n'a cessé de vivre et de rayonner à travers tout le Moyen Âge, jusqu'au jour où Malebranche et Fénelon, Bossuet et Leibniz ont repris l'œuvre de conciliation entre l'idée platonicienne et l'idée chrétienne sous la bannière hautement déployée de saint Augustin. Markendanarchive.org, 2019, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.